Musique horrible. César, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur Musique Horrible, une émission écoutée avec moi, César, et hébergée sur les rives du majestueux océan Atlantique, également appelée la piscine des pauvres, dans le petit studio confortable de Radio Balise. La piste qui vient de transformer toutes vos dents en molaires est Lie to Diddles, une chanson sur le thème du mensonge et des petites gênes qu'il occasionne. Sur ce, au revoir, bonne soirée et à la semaine prochaine. Bonsoir. Vous venez d'entendre l'histoire d'un homme qui tue 14 flics en 12 tirs en 13 secondes. Comme toujours, je suis très, très heureux de vous voir complice de ces soirées à la gloire des mauvaises émotions. Sur ce, j'en veux encore une petite dernière pour la route. Puisque nous vivons à une époque où les recherches sérieuses des scientifiques sont détournés par des médias coincés en une économie du sensationnalisme, nous sommes arrivés au point où, dans la culture commune, tout donne et tout guérit le cancer. En ce flou, je vous rassure, moi, César, je suis un homme sans nuance et sans nul doute à l'esprit. Je vous donne catégoriquement le cancer. Ou Cancer, ici interprété par Iron Lung. Bonne fin de ce triptyque humoristique appelé Réveille-toi, connard! César propose de revenir aux choses sérieuses. Le temps. ce dont vous venez de faire l'expérience à l'instant. Récemment, mon oreille en feu a commencé à se poser une question vis-à-vis de ce qu'elle écoutait. En effet, il est rare pour une personne de ma génération de véritablement tomber sur de la musique qui accuse le passage du temps. Le temps, ou plutôt de la musique qui est un truc de vieux. C'est parce que je suis une fière émanation de la génération Internet. De nos jours, en cette même génération, presque tous les courants musicaux qui aient jamais existé coexistent en un même espace et sont disponibles de manière relativement égale entre eux. Il n'y a plus de génération punk qui existe pendant une seule année, avant d'être remplacée par l'acid house, et ainsi de suite. Aujourd'hui, tous ces mouvements arrivent en même temps sous des formes compressées, et nous piochons dedans selon nos humeurs. Donc le CM est aussi actuel au fond que ne l'est la trap, ou le black metal. Alors que sans l'existence d'Internet, ces genres auraient tout simplement disparu, pour laisser la place à d'autres. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il arrive que des morceaux fassent ressortir le poids qu'injecte le temps dans les choses, nous fassent entendre l'âge des éléments qui composent leurs univers. Et je ne parle pas de nostalgie, mais bien de vieillesse. Une émotion à laquelle nous n'aimons pas nous préparer. Un fait bien dommage. Et auquel j'aimerais beaucoup dédier les chansons à venir. Vous me suivez toujours ? Super. La troisième musique sera une surprise que j'expliquerai après. La seconde est Long Term Remote de The Caretaker, alias Kirby. Oui, je sais. Et la première piste que vous allez écouter quant à elle se nomme Nova 88, de Circuit des Yeux. Qu'est-ce que la Nova 88 ? La Chevrolet Nova était une magnifique muscle car, emblématique des années 60. Elle était clinquante et élégante, au point où son succès a continué sur 5 générations. Toutefois, à la 5e génération, elle avait perdu toute sa gloire et tout l'amour de ses constructeurs. Et sa toute dernière incarnation était donc la Nova 88, sortie en 1988. Une voiture dont la seule couleur était noire, avec intérieur gris. Sans plus attendre, une chanson sur le souvenir d'une route conduite par le bolide en question. Je vous souhaite une bonne écoute de ce second triptyque. Accuse l'âge du temps, connard! Et à bientôt, d'ici quelques siècles. Je suis heureux d'avoir écouté ça avec vous. Je vous avais préparé pour la Nova 88 de Circuit des Yeux et pour Long Term de The Caretaker, où ces vieux jazz passent de cuivre à rouille dans les bandes magnétiques. Mais cette dernière piste à l'instant est Lighthouse, de la spécialement talentueuse Liz Harris, alias Grouper, sur l'album Ruins. Les voix du passé dont je vous ai parlé y sont à peine audibles, mais elles sont bien là. Tout l'album est né de la réaction de Grouper à son environnement. Alors qu'elle se baladait, elle est tombée sur une demeure abandonnée. Et, au sein de ce lieu décrépit, dans une petite pièce totalement vide, trônait juste un vieux piano solitaire. De cette découverte, Grouper a dit qu'il lui fallait créer et enregistrer tout l'album, in situ, là où se trouvait ce piano. Grouper visait une chose, c'était que la musique partage une ressemblance, un écho avec le vieux lieu poussiéreux dans lequel elle jouait, et les émotions décrépites qui pouvaient en dégager également. Ne croyez pas que je suis en train de sourire. Si j'étais mesquin, et je ne suis pas ça, je suis un parfait salaud, c'est autre chose. Je pourrais vous dire qu'il s'agissait de la piste heureuse, obligatoire, que Musique Horrible est tenue de passer à chaque milieu d'émission, car nous sommes au milieu de l'émission, et même un peu plus. Mais ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Quand on écoute tout l'album, ou même le reste des travaux de Liz Harris, à mon avis, si cette chanson paraît heureuse, elle appartient à ces bonheurs à double tranchant qui naissent et ne sont tournés que vers les recoins sombres. Des bonheurs réels, certes, mais qui ne sont pas de ceux qui vous amèneront dans la lumière. Car, pour moi, au moment où ces chansons ont été composées, ce que Grouper, alias Liz Harris, aime, c'est que le phare qu'elle mentionne dans cette chanson ne s'allume pas, justement. Tâchez de garder ça à l'esprit. Soyez conscient et connaisseur de vos bonheurs. Bon, c'était la fin de ce second triptyque. Et du coup, c'est avec un certain retard que nous allons respecter cette citation « Le contraste, c'est la vie !» proclamée par moi, César. Il est temps de passer une chanson qui vous injecte du bonheur couleur néon dans la gueule. Mon seul privilège est que cette chanson est un cadeau aux flics dont j'en ai fait abattre 14 en 13 secondes en 12 tirs au début de cette émission. Voici pour vous. Vous allez écouter Through the Night de Grum ou le conte de deux flics moustachus qui tombent sauvagement amoureux l'un de l'autre. Mauvaise écoute. À bientôt pour la dernière partie de la nuit qui, je vous le rassure, arrêtera de parler bonheur pour parler malédiction. À tout. Daylight. tonight. Ce A final est tellement précis où leurs moustaches sont tous les deux montés à la verticale, dans la position que vous pouvez adorer le plus dans votre esprit. Oh, ce bonheur. Quelle horreur. Je vous parle de l'acte de vieillir et des enfoirés rétro continuent de faire la fête à partir du passé ou son cadavre. Au fond, curieux et décadent. Moi, César, c'est me permettre du silence pour nettoyer mes oreilles. Vous êtes sur Musique Horrible, l'émission qui cherche à sponsoriser et à faire de la pub pour le pire produit imaginable possible, et il le fera joyeusement et gratuitement. De nos jours, la publicité manque cruellement sur ces radios associatives, et donc peut-être qu'un jour, moi, César, je m'y entreprendrai. Pour le simple plaisir de vous vendre des choses que vous détesterez. Super. Nous sommes de nouveau à la maison. Et notre voyage s'approche de la fin. Avec un troisième et dernier triptyque. Cette fois-ci, il s'agit d'un seul énorme morceau qui se déroule sur trois mouvements appelés This Ice Fortress. Une chanson du duo français culte Natural Snow Buildings sur l'album Waves of the Random Sea. Ou comme ils le diront façon marin, The Waves of the Random Sea. Better. Être qui m'écoutait, je me permets ici de vous confesser qu'il s'agit d'un de mes groupes préférés au monde. Deux musiciens autour desquels toutes sortes d'histoires se sont formées au fil du temps. Et avec certaines de ces histoires, qui ont d'ailleurs littéralement été écrites par moi. César. Mais pourquoi ? Car j'aime les contes. C'est tout. Et donc, j'ai voulu leur rendre honneur dans cet épisode, en tant que je vois dans l'esprit des contes, une source en laquelle nous puisons tous pour comprendre la vie, sa chaleur, autant que sa violence, son vide, et pour ce troisième triptyque, ses secrets. Donc écoutez ma parole. Natural Snow Buildings est un conte. Et je vais vous laisser leur raconter une de leurs histoires. Dites-moi ce que vous en pensez en me contactant sur musique.horrible@gmail.com. Peut-être que je vous répondrai quand la neige noire viendra au Lorient ou quand je n'aurai quelque chose à foutre de vos mails. Et d'ici là, permettez-moi de vous souhaiter une bonne nuit, de bons rêves et ou de bons cauchemars. Et, encore une fois de plus, je vous aime. Donc, disons-nous adieu sur le son des corbeaux et sur This Ice Fortress. Thank you. It's you.